Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Colin. Troisième épisode. Hélène a retrouvé Carole, la sœur de son ex-mari Norman, lequel vient de se suicider dans le centre médical où il était soigné pour des troubles psychiques. Entre culpabilité et responsabilité, les deux femmes sont dévastées, sans pour autant pouvoir partager cet effroi. Tu vas, on est où là ? Quoi ? Nous l'avons tous laissé mourir, avait fini par lâcher Carole à la sortie de l'hôpital. Comme si elle n'était venue en définitive que pour énoncer cette cruelle sentence. Nous l'avons tous laissé mourir. Nous l'avons tous laissé mourir. Est-ce que je me sentais responsable ? Elle avait pleuré. Nous avions rempli des papiers, penchés sur la table basse. Il y avait eu des thés à peine entamés et des promesses de retrouvailles prochaines. Avant toute chose, nous avions besoin de meubler le silence. Je la reconduisis à la station de métro. Tu m'appelles ? Appelle-moi. Tu sais où me trouver. Prends soin de toi. Hélène ? Ça va aller, sûr. Je regrette ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais quoi, je regrette qu'on soit là à parler de lui sans lui. Je l'ai toujours aimé, tu sais. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement ? Non. Non, je crois pas. On a fait ce qu'on a pu. Et c'était vrai en un sens. Au revoir. Norman était un homme qui repoussait la haine, qui la reléguait dans le royaume des équations insolubles. On pouvait lui reprocher mille choses. Sa naïveté, sa passivité, la façon qu'il avait, quand les choses tournaient mal, de se recroqueviller et d'attendre. En tant que mari, mari de crise, mari de guerre, il ne s'était guère montré à la hauteur. Trop timoré, trop sidéré par la brutalité du monde. Après la perte de notre enfant, ses digues avaient cédé en un rien de temps, balayées par une vague venue de loin. Et je n'avais pu qu'assister au désastre. Mais en tant qu'ami, il m'était impossible de lui en vouloir. Je m'étais trompée, voilà tout. C'est ce que je lui avais dit quelque temps avant qu'il prenne ses affaires et qu'il s'en aille. Une erreur de casting. Il n'était pas fait pour le mariage. Trop fantasque, trop fragile. Ni lui ni moi ne devions nous sentir coupables. J'étais retournée au centre médical. Des formalités à régler, encore et encore. D'autres papiers à signer, qui ne regardaient que moi. Les résultats de l'autopsie. J'en étais là, assise dans la salle d'attente, un bloc-notes sur les genoux, quand mon futur ex-mari avait surgi. Hélène ? Salut. On me dit que tu es arrivée il y a une heure. Pourquoi tu n'es pas venue me voir ? Je voulais pas te déranger. Me déranger ? Est-ce que tu songes que... Enfin, peu importe. Tu es là. Je ne vais pas te dire que je suis désolé. Parce que tu l'es pas ? Parce qu'on n'en est plus là. Parce que je ne suis pas sûr que tu sois prête à entendre quoi que ce soit de gentil sortant de ma bouche. Tu te trompes. Très bien. Alors, je suis désolé, Hélène. Norman était un patient extraordinaire. J'aurais voulu qu'il s'en sorte. J'aurais adoré être le type qui parvient à le sauver. N'en fais pas trop. Tu vois comme tu es. Nous sommes partis prendre un café dehors. Le café faisait partie de nos stratégies de pacification. Albert ne s'est pas appesanti sur Norman, ni sur nous. Depuis plusieurs mois, depuis que les choses avaient commencé à sérieusement merder entre nous, en un sens, il avait cessé de le suivre personnellement. De toute façon, qui avait-il à ajouter ? Notre histoire était un gâchis, un énorme et spectaculaire gâchis. Nous avons parlé de Liliane, la future femme de mon mari. On n'y est pas encore, a-t-il tenu à préciser. La situation le mettait mal à l'aise. Moi, elle m'amusait. J'avais bravement dépassé le cap de l'aigreur. Je travaille pour plusieurs boîtes... Quand est-ce que je pourrais la voir ? Non. Arrête avec ça. Je suis très sérieuse, c'est pas une mauvaise idée. Hélène. J'aime bien la façon dont tu me parles d'elle. Je suis sûre qu'elle va être parfaite pour toi. Tu sais, Albert, t'es pas le seul à t'être trompé. J'étais là, moi aussi. Je devrais pas dire ça, mais... j'arrive pas à te détester. Il sirotait son café d'un air absent en regardant par la fenêtre. Il n'avait jamais été très brillant pour se remettre en question. Et c'était un plaisir assez délectable de lui couper l'herbe sous le oui, pied. Je voulais te dire aussi on a les victoires qu'on mérite. Hâtivement, il a évoqué les détails de l'autopsie. L'hypothèse de suicide n'en était pas une. La méthode restait classique, désespérément. Compression de la trachée. Quant à l'écharpe, a-t-il cru judicieux de préciser, c'était celle que je lui avais offerte. J'ai hoché la tête. Je suis fatiguée, ai-je lâché. Je lui ai laissé l'addition et je l'ai planté là. Rob. Le seul, le vrai. Où es-tu ? Dans la rue. Nulle part. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Je me disais que... Que quoi ? C'est sans doute crétin, mais... Vas-y. Bon, c'est juste... Enfin... Qu'est-ce que t'as raconté à Albert à propos de Norman ? Comment ça ? Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait cessé de s'occuper de lui il y a quelques mois ? Quelque chose comme ça ? Ouais. Quoi ? T'as menti, Hélène. Attends, répète un peu. Continuez à le voir. Une fois par semaine. Tu te fous de moi, là ? Tu crois vraiment que je plaisanterais sur un sujet pareil ? Putain. Ça me fait pas plaisir d'être celui qui t'apprend ça, Tata, mais ça me fait encore moins plaisir qu'on se foute de ta gueule. Pourquoi tu me sors ça que maintenant ? J'attendais le bon moment. Et ? J'avais l'impression que le bon moment n'arriverait jamais. Merde. J'aurais pas dû. Je marchais dans la rue sans savoir où j'allais. Je m'arrêtais devant les vitrines. Mon reflet me dévisageait, en colère, définitivement. Albert avait vu Norman en consultation jusqu'à sa mort, une fois par semaine, après m'avoir juré le contraire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça ? C'était lui qui, quand notre histoire avait commencé à tourner au vinaigre, m'avait fait part de son intention de confier le cas à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de moins impliqué. Albert était un professionnel du mensonge et de la dissimulation. J'avais appris à accepter cet état de fait. La plupart du temps, ça ne portait pas à conséquence. Ou plutôt, j'avais décidé de m'en foutre. Il avait mis des semaines à avouer qu'il voyait une autre femme. Et bien plus encore à m'annoncer qu'il allait vivre avec elle. Que probablement, il lui ferait un enfant, si l'affaire n'était pas déjà en route. C'était Albert. Il avait la trouille de tout, et surtout de lui-même. Mais cette fois, il était allé trop loin. Je ne sais pas trop ce que je cherchais en m'introduisant chez lui. Avec le recul, je salue la force de l'intuition qui m'est venue ce jour-là, et même, je lui rends hommage. Dans un accès de faiblesse qu'il regrettait certainement depuis, Albert m'avait laissé les clés de son nouvel appartement. Jamais il n'avait osé me les réclamer, et je savais qu'il se passerait encore longtemps avant qu'il le fasse, comme lui savait que je ne ferais de toute façon aucun usage des clés en question. Ça, c'était ce que je croyais, ce que nous croyions tous les deux, jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu fous chez lui, Hélène ? À quoi tu joues ? Tu es là, assise devant son bureau. Tu ouvres ses tiroirs. Vous allez divorcer. Il va sortir de ta vie, tu vas sortir de la sienne. Il n'y a rien de mal à s'écarter les uns des autres pour un temps. Ainsi va le monde. Alors dis-moi, à quoi tu joues ? La vérité était que je ne savais plus vraiment où j'en étais. Dans le taxi me menant chez lui... J'étais tombée sur un article du New York Times consacré à la nouvelle prostitution et le passé m'était revenu à la figure comme un baquet d'eau sale. Ma folle jeunesse. Ma première passe avec le dentiste. $150 pour une pipe et un va-et-vient brouillon. 2 ans. Je n'avais fait ça que 2 ans, de 24 à 26. Peut-être 2 fois par mois en moyenne. Le quoi ? Le roman ? Quel roman ? J'étais perdue. Complètement, irrémédiablement perdue. Norman avait écrit un livre ? Qu'est-ce que c'était que ces conneries ? Il ne m'a pas fallu 30 secondes avant de prendre une décision. Albert m'avait juré qu'il n'avait pas changé les normes de sécurité de son PC, un jour que nous nous étions disputés à ce sujet. Sans attendre, je l'ai allumé et j'ai entré le mot de passe. La messagerie était ouverte, mais je n'ai pas tout de suite trouvé ce que je cherchais. Il m'a fallu fouiner un peu. De temps à autre, je regardais dehors. Il neigeait de nouveau. Au loin, des sirènes meuglaient pour d'autres morts. J'avais le temps. Albert était de garde aujourd'hui. Il ne rentrerait pas avant ce soir. Rob, tu vas pas me croire. Attends, je sors. Quoi ? Je vais pas croire quoi ? Norman a écrit un roman. Je te demande pardon ? Je suis chez Albert. Sérieusement ? Mais Albert est là. Ouais, je sais qu'il est avec toi, c'est bien pour ça que moi je suis chez lui. Tu t'es pas la plainte plus d'où, ma grande ? Norman a écrit un roman, sous la houlette d'Albert, d'après ce que j'ai compris. Ou avec lui, je sais pas qui a eu l'idée. Mais Albert l'a au moins encouragé. Il a... Oh, punaise, j'arrive pas à y croire. Il a bossé avec lui. Hélène. Pendant des mois, sans doute, t'imagines ? Alors qu'on était ensemble. Écriture thérapeutique, j'ai bien le tableau. Hélène. Quoi ? Il m'en a jamais rien dit. Pas un traître mot, pas la moindre foutue allusion. Hélène, sort de chez lui, c'est malsain. Ah ouais ? Et faire écrire un roman par l'ex-mari surmédicamenté de ta femme alors qu'elle se trouve au 36e sous-sol, tu décernes quel adjectif, toi ? Tu devrais en parler avec lui. Pour qu'il fasse quoi ? Qu'il m'explique ? Qui se répond en excuse une fois de plus ? Non, je veux pas lui laisser l'occasion de se justifier, pas cette fois. Je te piche pas, tata. Qu'est-ce que tu en as à foutre ? Il va être publié, Rob. J'ai vu les mails. C'est une affaire qui court depuis plusieurs mois déjà. Un petit éditeur qui n'est pas si petit que ça, j'ai vérifié sur Google. Il propose $15,000. Je sais même pas qui est censé toucher ce fric. Parle-en avec lui. Vraiment. J'ai une meilleure idée. Tout j'ai vu. Laquelle ? Je te rappelle. Norman a écrit un roman. J'avais beau me répéter la phrase, son sens continuait de m'échapper. Quand ? Comment ? Évidemment, sur le papier, ça me surprenait moins que si on m'avait appris qu'il était devenu champion de baseball ou acteur de théâtre. Je l'avais vu écrire les premiers mois de notre vie commune. J'avais même lu quelques pages. J'étais celle qui l'avait encouragée. Mais tout ceci était extraordinairement loin. Et surtout, cette marotte me paraissait liée de façon inextricable à notre jeunesse, aux prémices de notre rencontre, une époque tremblotante où tout paraissait encore possible. Il avait arrêté, je ne me souvenais même plus pourquoi. Il me l'avait annoncé un jour, et je crois que j'avais à peine levé un sourcil. Oh, c'est dommage, mon chéri, ou un truc de cet acabit. Je n'étais pas partiale au point de croire en un talent qu'il n'aurait possédé que dans mes rêves, mais je savais aussi ce qu'écrire voulait dire. Mon grand-père s'y était essayé en son temps. Ça avait fait jaser dans la famille. Et même si je connaissais évidemment la distance qui sépare l'envie de la publication, je ne lui ai jamais dit, au moins, d'arrêter. À présent, je parcours ces pages, avec lenteur, avec sidération, et j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer pour que soudain tout cela devienne si vital. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Le narrateur allumait une lampe à pétrole, la levait à hauteur de visage, clignait des yeux dans le paisible halo de la flamme. La cabane consistait en une pièce unique pourvue d'un lit, d'une petite table en bois avec sa chaise, d'un réchaud et d'un réfrigérateur débranché. Le narrateur ouvrait la fenêtre de derrière, celle qui donnait sur la montagne. À cause de la nuit, cependant, il avait du mal à distinguer quoi que ce soit, sinon une masse énorme, noire et profonde, qui barrait en grande partie l'horizon. L'air rentrait, un peu froid mais pas désagréable, charriant des parfums de mousse et d'herbes fraîches. Sa logeuse, apprenait-on, lui avait conseillé de se méfier des ours, de ne pas laisser sortir la poubelle trop longtemps. Le narrateur souriait. S'il y avait eu des ours un jour, ils avaient dû quitter les lieux il y a bien longtemps, accablés de déprime et d'ennui. À moins de nourrir un intérêt tout particulier pour les vieilles bicoques, s'amusait-il, allongé sur son lit, les mains croisées derrière la nuque. Le sommeil ne venait pas. Le sommeil ne viendrait plus jamais. Tel un vieil ami déçu, un homme offensé qui aurait pris des mesures. Le jour d'après, son premier jour en Canaan, le narrateur sortit de chez lui. Une nouvelle vie commençait. Sa voisine la plus proche était une vieille dame sans projet et sans âge. Plusieurs personnes en ville lui avaient affirmé qu'elle avait dépassé depuis longtemps le cap des 100 années. Elle habitait une masure plus délabrée encore que la sienne, située en lisière de forêt sur une falaise en apic. Personne ne savait quel était son nom. Personne ne connaissait sa véritable histoire. Et nul, à vrai dire, ne semblait s'en soucier. C'était une femme qu'on ne voyait jamais de près. La vieille, voilà comment on l'appelait. Tout au plus pouvait-on l'apercevoir, tel un ours, furtivement, au loin. Quand elle se sentait observée, elle se redressait soudain. Elle qui était toujours penchée sur quelque chose. Et l'espace de quelques battements de cœur, il me semblait qu'un contact était sur le point de s'établir. Elle portait une main à son chapeau haute forme, comme pour me saluer, puis tournant les talons, elle regagnait le couvert par petits sauts lestes. On disait qu'elle était double, habitée. On disait qu'avec son esprit propre cohabitait, sous la voûte de son crâne semé de touffes blanches, celui de son défunt mari, un riche entrepreneur qui avait possédé une mine dans la région et qui était devenu fou quand un coup de grisou avait tué 20 de ses hommes. Canaan, ainsi s'appelait la ville. Aucune indication supplémentaire n'était donnée. 260 habitants. Une rue principale, deux bars, un garage, deux épiceries, un barbier. Et puis la source, bien sûr. Parce qu'ici, chaque chose portait son nom le plus simple. La vieille, la source, les fantômes, l'homme au cerf-volant, le moine. Quiconque buvait à cette source recevait la vie éternelle, assuraient les habitués du pub avec un vague sourire. Le narrateur opinait prudemment. L'auteur, lui, naviguait sur des eaux finement ridées, naturalistes. Il décrivait le bois des arbres, leur essence, telle plante vivace et pleine de vie, le vent flattant les herbes. Son livre, le livre de Norman, ne possédait pas d'intrigue véritable, en ce sens que le narrateur n'était soumis à aucun antagonisme tangible. Il avait fui un drame personnel, c'était désormais tout à fait établi. Il s'était installé en bordure de forêt, au pied d'une montagne, à la périphérie d'une petite ville. À présent, il attendait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Un conte, une histoire lentement féerique. On tournait les pages comme on espère le sommeil, suave. Le vent qui soufflait entre les pages était celui du rêve. Le narrateur remontait le long de la source, mais ne buvait pas de son eau. Et pourquoi me serais-je penché sur elle? Vivre longtemps, ce n'était pas ce que je voulais. Prolonger la vie, plutôt mourir. Ce que j'espérais, c'était l'instant et seulement lui. L'étirement infini d'une seconde, au milieu du vent et du silence. Avec ces gens qui ne mettaient rien et se taisaient et devenaient tout pour moi. La nuit venue, les chants des bûcherons emplissaient la forêt. Ils revenaient du travail, disait-on. Eux aussi étaient morts depuis longtemps, mais ils ne le savaient pas. Personne n'avait jamais jugé utile de le leur signifier. Et à quoi bon ? Avant que l'aube vienne rosir le sommet de la montagne, je me levais et m'approchais du bois pour les entendre. Des voix de basse et de stentor, des sopranos, toute la forêt s'en réveillait, remuait, répondait en écho. Les oiseaux, les grenouilles, le raclement des griffes, le grouillement des élytres et des antennes, un fouillis, un désordre, la vie crue et sans phare. Personne en ville ne me posait de questions. Ni le barbier maniant son rasoir, ni l'épicier lâchant mon sac de riz sur le comptoir. De même que personne ne semblait se soucier de ma présence en ce lieu. Et quand étais-je arrivé, et pour quelle raison, et combien de temps allais-je rester? Nous habituons un pays déserté par la raison et les contingences du temps. Une terre de paix, me répétais-je, où régnait le calme si longtemps cherché. L'essence même de la vie ruminante, de la beauté âpre et hors de notre portée. Seuls pouvaient comprendre les poètes, les morts et les fous. Dans quelle catégorie devais-je donc me ranger? Dans les trois, évidemment. C'était si simple, si évident. Un monde fermé aux gens, au monde normal. Et les oiseaux attachés au fil battaient des ailes à pleine force. Mais bien sûr, ils ne pourraient jamais s'envoler pour de bon. Ils composaient une figure multicolore de la contrainte. Un brin de poésie en mouvement. L'impossibilité sans cesse renouvelée. Une femme surtout m'intriguait. Elle me semblait le double vague et inspiré de Savannah, une starlette porno des années 2000 qui avait entretenu des liaisons agitées avec plusieurs figures hollywoodiennes et qui avait connu une fin aussi tragique que prématurée. À l'âge de 23 ans, elle avait mis fin à ses jours après un accident de voiture qui, peut-être, l'aurait laissée défigurée. Et la jeune femme du roman avait une partie du visage bandée. Mais ce n'était pas elle, pas exactement. Savannah, je l'avais vue dans les pages centrales d'un magazine que j'avais retrouvé un jour sous notre lit. Et pourquoi s'intéressait-il à elle, précisément? Il avait passé l'âge de s'émoustiller pour un cul ou des seins sur papier glacé. Il devait y avoir autre chose. Était-ce ainsi qu'il me voyait encore? Était-ce ce qui lui plaisait chez moi? Mon passé? Mes erreurs? C'était Canaan Nouvelle Lointaine de Fabrice Collin. Troisième épisode, avec Catherine Tartarin, Hélène, Mathieu Létuvé, Norman, Éric Herson-Macarel, Albert, Laurent Cléry, Rob, Jean-Marc Leyer, Egelstein, Nathalie Villeneuve, Carole. Et les voix de Cécile Arnaud, Joséphine Serre, Anouche Paré, Laurine Boubi-Malzac, Isabelle Miller, Claude Bernard Perrault, Florian Goetz, Thomas Pouget, Xavier Xapla, Louis-Marie Audubert, Élodie Vincent. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Juliette Eman. Remerciements à Dominique Massa et Antoine Huyouze.